Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Alors, en première demi-heure avec Marie-Claude, Marie-Claude nous a fait remonter le temps pour voir comment les hommes préhistoriques pratiquaient la trépanation. Dans cette deuxième demi-heure, nous allons voyager encore plus loin dans le temps pour regarder le film de la vie et observer le déroulement de l'évolution. Alors, on sait que la sélection naturelle est un moteur de l'évolution, mais le hasard joue aussi un rôle. Alors, on en parle avec Cyril Barrette, qui est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Cyril, j'aimerais pour débuter là qu'on mette quelques bases. Quand on parle d'évolution, souvent il y a deux visions qui s'affrontent. Donc il y a celle des évolutionnistes, on va dire la vision scientifique, et celle des créationnistes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ces deux visions et la place du hasard dans ces deux visions? Mais d'abord, ces deux visions s'affrontent, mais dans le fond, ne peuvent pas vraiment s'affronter parce qu'elles sont sur deux terrains complètement distincts. Ouais. Le créationnisme est sur le terrain de la foi, l'évolutionnisme sur le terrain de la raison ou de la science. Donc, il n'y a pas de véritable affrontement parmi les scientifiques, mais dans la réflexion publique. Et oui, on les voit s'affronter parce que ça semble être deux visions contradictoires ou opposées. Mm-hmm. Et le hasard joue un rôle dans cette discussion ou dans l'affrontement, si on veut, entre les deux. Le hasard joue un rôle très particulier parce que les créationnistes veulent faire croire que les évolutionnistes prétendent que tout est produit par hasard. Mm-hmm. Alors, ils nous disent, ben voilà, les évolutionnistes nous disent, il n'y a pas de dessein, il n'y a pas de créateur et ça se fait par hasard. Et ils nous font comme si on affirmait que les espèces étaient apparues par hasard, les adaptations étaient apparues par hasard. Ce que les évolutionnistes ne disent pas du tout, évidemment. Mm-hmm. Mais le hasard joue un grand rôle dans l'évolution elle-même, pas seulement la sélection naturelle, mais le hasard aussi. Donc, le hasard est important, mais il faut le mettre à sa place, il faut le mettre à la bonne place. Donc là, si je comprends bien, finalement, c'est les créationnistes qui reprochent aux évolutionnistes de dire que tout est lié, que toute l'évolution est due au hasard. Oui, c'est ça. Alors, mais les évolutionnistes, c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. Alors, les créationnistes disent ça, et puis ils font ensuite la démonstration avec des calculs de probabilité. Quelle est la probabilité qu'une protéine se forme toute seule par hasard? Et puis, ils nous disent, vous voyez, c'est pratiquement impossible, c'est impossible. Donc, il faut faire appel à un créateur pour expliquer l'origine ou la formation des protéines ou la formation d'une espèce. D'accord. Alors, c'est un faux problème. C'est un vieux faux problème, si vous voulez, parce que les évolutionnistes ne disent pas ça du tout. Les évolutionnistes connaissent l'importance du hasard, mais tout n'est pas produit par hasard. Mm-hmm. T'es produit par hasard et par sélection naturelle. Mm-hmm. Ben justement, donc pour les illusionnistes. Ouais, c'est pas tout à fait. Les évolutionnistes. Donc la sélection naturelle, donc elle joue un rôle pour expliquer l'évolution, mais c'est pas suffisant. Donc il faut quand même une part de hasard. Donc quelle est la contribution de ces deux éléments? Mais en fait, si on remonte même à Darwin lui-même, il reconnaissait que l'évolution par sélection naturelle, l'évolution se fait en deux étapes. Une production de variabilité qui, elle, est aléatoire. Alors, on pense aux mutations, par exemple. D'accord. Les mutations génétiques. Et plusieurs autres phénomènes qui sont aléatoires. Et là, la sélection naturelle vient travailler sur ce matériel pour sélectionner les individus qui sont les plus aptes à vivre dans les conditions immédiates et locales. Donc, la production de variabilité, elle, n'a rien à voir avec le besoin. Elle se fait au hasard. Mais ça contribue à une sorte de combustible pour la sélection naturelle qui vient sélectionner parmi cette variabilité-là les variants qui sont les plus... Mais elle ne peut que sélectionner parmi ce que le hasard lui a mis, entre guillemets, sous la main, finalement. Oui, le hasard lui a mis sous la main et ce que la génération précédente lui donne en héritage. Ouais. Donc, elle peut simplement modifier ce qui existe déjà. Et ce qui existe est un produit des deux, là, l'héritage passé et le hasard, entre autres des mutations, la rencontre entre des individus, qui rencontre qui, ça va déterminer la qualité de la progéniture, par exemple, et toutes sortes de phénomènes qui sont pas du tout, font pas partie de la sélection naturelle, mais constituent une sorte de paysage dans lequel la sélection fonctionne. Mm-hmm. D'accord. Donc, je comprends qu'il y a une part de hasard dans le développement des mutations dans le génome. Ça se produit un petit peu au hasard. Mais maintenant, si on enlève ça, pourquoi est-ce que les évolutionnistes disent que la sélection naturelle ne suffit pas à expliquer toute l'évolution qu'on observe? Ben, entre autres, l'importance de ces phénomènes du hasard qui viennent de nulle part et qui peuvent être déterminants pour la suite de l'histoire. Mm-hmm. S'il arrive une mutation favorable, par exemple, ça peut éventuellement déboucher sur l'apparition d'une nouvelle espèce. Si au contraire c'est une mutation défavorable, ça peut déboucher mm-hmm. sur l'extinction de cette espèce. Mm-hmm. Donc la sélection n'explique pas tout. La sélection opère dans un paysage où il y a un grand nombre de phénomènes, par exemple le hasard, ensuite mm-hmm. les contraintes de développement. On peut pas transformer la sélection ne peut pas transformer juste la main, par exemple, chez un animal ou juste la fourrure. Mm-hmm. Tout est lié à tout. Donc, il y a des contraintes de développement, des contraintes architecturales, si on veut, qui sont imposées. Mm-hmm. Les lois de la physique et de la chimie opèrent, évidemment, dans le cas de la sélection naturelle. Donc, la sélection est très, très contrainte par toutes sortes de choses. Elle mm-hmm. est capable de faire des adaptations, de construire des adaptations remarquables avec beaucoup de temps, mais à l'intérieur d'un grand nombre de contraintes. Mm-hmm. Mais si on regarde l'ensemble, les évolutionnistes, quand ils regardent l'ensemble de la biodiversité de toutes les espèces animales, cette sélection naturelle ne leur suffit pas pour expliquer toute cette diversité. Non. La façon de l'exprimer ou de l'expliquer correctement, c'est de voir un concept qui est associé au hasard, mais qu'on appelle la contingence. Mm-hmm. La contingence, c'est un mélange de hasard et d'histoire. C'est des éléments, des événements aléatoires au hasard qui arrivent dans un parcours historique qui existe déjà. Donc, il y a une longue histoire passée qui vient jusqu'à maintenant. Et dans ce parcours historique, il arrive un événement aléatoire qui peut avoir des effets déterminants pour le reste de l'histoire. Donc, d'accord. Ce mélange de hasard et d'histoire, ça s'appelle la contingence. Et si on additionne cette contingence, donc l'histoire passée, les événements aléatoires et la sélection naturelle, là, on a une explication de l'adaptation des espèces et de l'apparition des nouvelles espèces. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple plus concret de ces hasards qui arrivent et qui donnent des chemins à l'évolution ou au développement des espèces? Oui, mais je pense que c'est la bonne façon de le voir. C'est des chemins. À chaque point tournant, il y a plusieurs mm-hmm. chemins qui s'offrent à l'évolution future et l'espèce va prendre un de ces chemins-là dépendant des conditions immédiates et locales. Donc, si on prend... évidemment, ça va être un exemple fictif parce qu'on ne connaît pas dans le détail ce qui s'est passé, mm-hmm. mais c'est un exemple qui correspond très, très, de très près à ce qui a dû se passer. Si on pense à notre propre lignée, les humains, pour que des humains existent, il faut qu'il y ait des mammifères qui existent, il faut qu'il y ait des vertébrés qui existent. Alors, si on pense à l'origine des vertébrés, si on remonte il y a à peu près 500 millions d'années, c'est une longue période, il y a 500 millions d'années vivait dans certains endroits sur la planète, dans des milieux aquatiques, un petit animal qui a quelques centimètres de long qu'on appelait Pikaia. Mm-hmm. Pikaia, c'est l'animal, si on veut le dire en termes anthropomorphiques, qui a inventé la colonne vertébrale. Mm-hmm. Il n'avait pas lui-même une colonne vertébrale, mais il avait ce qu'on appelle une notochorde, donc une baguette rigide qui lui permettait de se déplacer. Donc, mm-hmm. il avait déjà la forme d'un poisson, si on veut, mais bien avant les poissons. Il n'avait pas de dents, il n'avait pas de mâchoire, mm-hmm. etc. Donc, il a inventé la colonne vertébrale. Si cet animal, à son époque, était disparu, il n'y aurait jamais eu de vertébrés. Donc, la survie de cet animal, et à son époque, il y a un très grand nombre d'espèces qui ont été éteintes, qui sont disparues. Mm-hmm. Si lui n'avait pas survécu, ça éliminait complètement la possibilité qu'il existe des vertébrés mm-hmm. dans le futur. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une contingence aléatoire qui est mm-hmm. très importante pour l'émergence éventuelle des vertébrés. Mm-hmm. De la même façon, le développement de la mâchoire. Mm-hmm. Il y a ces animaux qui éventuellement ont développé une mâchoire. S'ils n'avaient pas développé de mâchoire, ben on serait pas là nous avec une mâchoire. Mm-hmm. Un autre exemple, le passage du milieu aquatique au milieu terrestre, ça s'est fait chez un certain nombre de poissons qui sont devenus des amphibiens. Mais il y a certaines espèces de poissons à cette époque qui avaient à chaque main 5 doigts, d'autres qui avaient 8 doigts. Si c'était le hasard fait que l'espèce, les groupes qui ont survécu puis qui ont donné éventuellement les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, ceux qui ont survécu avaient 5 doigts. Ah oui. C'est ce qui explique que vous et moi, on a 5 doigts. Oui. Si ces ancêtres lointains étaient disparus, donc n'étaient pas devenus nos ancêtres, et que c'est des animaux à 8 doigts qui avaient survécu, aujourd'hui, on aurait 8 doigts. Mm-hmm. Par accident, un accident évolutif. On trouverait normal d'avoir 8 doigts. Oui. On compterait peut-être dans une base de 16 au lieu d'une base de 10. C'est ce que j'allais dire, oui. Donc, tout serait différent. On se demanderait pourquoi La réponse à ce pourquoi, c'est par contingence, un accident évolutif. Parce que, oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il y avait donc deux espèces, une à huit doigts, une à cinq doigts. Puis, il y a eu une contingence qui fait que celle à huit doigts a disparu, puis celle à cinq doigts. Voilà, voilà. Ça, c'est aléatoire. C'est aléatoire. C'est pas en fonction d'un besoin futur. C'était pas plus adapté. Le cinq doigts n'était pas plus adapté aux huit doigts. C'était très probablement équivalent en termes d'adaptation. C'est les hasards de l'histoire mm-hmm. de ce groupe à huit doigts qui ont fait que ce groupe est disparu, puis il n'a pas mm-hmm. donné naissance aux vertébrés mm-hmm. suivants. Mm-hmm. Donc, vous voyez que c'est un événement qui est accidentel, qui est insignifiant sur le coup, mais qui a des conséquences énormes sur le reste de l'histoire. Ouais. Donc, on a une trajectoire historique dans laquelle un événement aléatoire, parfois insignifiant, a un impact majeur sur le reste de l'histoire. Ouais. Et la météorite qui est tombée sur la tête des dinosaures, est-ce que c'est un élément, ça fait partie de ces éléments, cette contingence? Oui, voilà, ça c'est parfaitement aléatoire. Je veux dire, cette météorite mm-hmm. aurait pu ne pas tomber, elle aurait pu effleurer la Terre, elle aurait pu être trop petite pour causer des dégâts, mais cette météorite qui est tombée il y a 65 millions d'années est venue frapper dans la trajectoire historique des dinosaures, donc terminer leur histoire. Mm-hmm. À moins qu'on admette, comme on l'admet aujourd'hui, que mm-hmm. les oiseaux sont des dinosaures mm-hmm. à plumes, mais a fait disparaître tous les dinosaures, tout ce qu'on appelle des dinosaures à l'époque, et a favorisé les mammifères, parce que les mammifères vivaient depuis 100 mm-hmm. millions d'années. Ils ont émergé au début à peu près en même temps que les dinosaures. Donc, ces mammifères avaient une trajectoire historique. Ils existaient depuis longtemps, mais mm-hmm. tous les mammifères à cette époque étaient petits, ressemblaient à des souris ou des musaraignes. La disparition des dinosaures a libéré, c'est une des hypothèses qu'on ouais. développe, a libéré un très grand nombre de niches écologiques qui a permis aux mammifères de se diversifier très rapidement. Donc, c'est un accident qui a rien à voir avec la sélection naturelle, rien à voir avec l'adaptation des mammifères ou avec l'adaptation des dinosaures, mais qui a eu un effet catastrophique chez un groupe, puis un effet très bénéfique chez mm-hmm. l'autre groupe. Donc, finalement, c'est l'évolution d'une espèce, c'est une série de faits aléatoires combinés à la sélection naturelle et aux conditions environnementales du moment qui font que la sélection va sélectionner les plus aptes. Toujours combiné à la sélection naturelle, ouais. parce que c'est, il n'y a rien qui est écrit d'avance dans l'histoire mm-hmm. de la vie. Tout est imprévisible. Donc, c'est la sélection qui vient travailler sur le matériel qui lui est offert. Mm-hmm. Mais si on regarde, Cyril, je reviens un petit peu à ce qu'on disait au tout début, si on regarde cette succession de hasards, on a quand même l'impression que notre existence tient à peu de choses, finalement. C'est une succession de hasard, puis la probabilité que ces hasards surviennent est faible. Alors, j'en viens aux créationnistes qui prennent cet argument qu'il y a un ça se peut pas qu'il y ait tous ces hasards qui surviennent pour aboutir à l'homme. Il y a un créateur derrière ça. Oui, c'est leur argument, ouais. mais oui, ça se peut. C'est comme ça que ça se passe toujours. Faut penser que les créationnistes... D'abord, les évolutionnistes cherchent une explication des phénomènes naturels mm-hmm. dans la nature, des explications naturelles, matérialistes, si on veut. Alors que les créationnistes cherchent toujours, en fait, ils ne cherchent pas, ils ont trouvé d'avance la réponse à toutes les questions, c'est toujours un créateur. Mm-hmm. Donc, quand ils sont face à un phénomène surprenant, un phénomène extraordinaire, comme l'existence, par exemple, d'une espèce, ou même l'existence d'une personne, ben, ils voient l'intervention mm-hmm. d'un créateur ou intelligent ou d'un dessin intelligent. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si on pense à une autre échelle, à l'échelle individuelle, pour que moi je puisse exister comme individu, il fallait que le jour de ma conception, un spermatozoïde particulier pénètre un ovule particulier. Mm-hmm. Alors le créationniste va vous dire, ben il fallait qu'il y ait un créateur qui guide ce spermatozoïde-là, puisque je faisais partie d'un projet, je devais exister. Mm-hmm. Alors que l'évolutionniste va vous dire, ben non, c'est purement accidentel. J'avais énormément plus de chances de ne pas exister. Mm-hmm. Il y avait beaucoup plus de chances que ce soit un autre spermatozoïde mm-hmm. qui pénètre l'ovule. Mm-hmm. Si ça avait été le cas, j'aurais jamais existé. Ma seule chance d'exister, c'était à ce moment-là. Mm-hmm. J'existe par un accident mm-hmm. évolutif, un accident biologique. Et ça, il faut l'accepter, je pense qu'il y a. Il y a eu donc une série, parce que on peut dire la même chose de tous vos ancêtres, donc c'est une série. De tous mes ancêtres. C'est pour ça. Que ce spermatozoïde-là existe, il fallait ouais. que mon père existe. Pour ouais. que mon père existe, il fallait que son grand-père existe. Mm-hmm. Et on peut remonter comme mm-hmm. ça jusqu'aux origines de la vie. Évidemment, ça devient étourdissant de le voir de mm-hmm. cette façon-là. Une série oui. d'accidents dans lequel intervient, au cours de laquelle intervient la sélection naturelle. Mm-hmm. Mais c'est comme ça que, voilà l'explication naturelle de l'existence d'un mm-hmm. individu ou d'une espèce ou de l'ensemble de la mm-hmm. vie. Si on rejette cette explication, ben là, on est obligé mm-hmm. d'invoquer le travail d'un créateur ouais. qui vient régler chacun des événements qui est arrivé. Mm-hmm. Et ça fait pas partie de la science. On peut y croire, mais on est sur le terrain de la foi si on croit ça. Mm-hmm. Autrement dit, ce que vous dites, c'est que donc cette succession d'événements, cette contingence qui... Bon, je ne veux pas dire abouti, parce que ce n'est pas un bout, puis je ne pense pas que ce soit le destin non plus, mais qui a conduit d'une certaine façon à l'espèce humaine, ça s'applique aussi à tout, aux autres espèces, par exemple. Oui, on parle de l'humain, mais on pourrait parler du castor ou de l'érable à sucre ou du homard. C'est vrai pour toutes les espèces. Ouais. Autrement dit, il n'y a pas de projet dans la nature, il n'y a pas de programme. L'humain n'était pas au programme. Aucune espèce était au programme parce qu'il n'y a pas de programme. L'évolution s'invente à mesure. La trajectoire évolutive s'improvise à mesure. Elle ne s'improvise pas dans le vide puis dans toutes les directions possibles. Elle est canalisée par l'histoire passée, encore une fois, et par les conditions locales et par la sélection naturelle. Mais le film n'est jamais écrit d'avance. Le futur n'est jamais écrit. Donc, c'est déterminé par ce qui s'est passé, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Voilà. Il n'y a pas de projet, Donc, les théories d'évolution sont excellentes pour expliquer le présent et pour expliquer le passé, sont totalement nulles pour prédire le futur. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, cet aspect-là, pour un chercheur? Frustrant, par rapport aux autres théories, on a un modèle et puis on dit il va se passer ça, mais là, avec l'évolution, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on peut faire un certain nombre de prédictions très, très fondamentales avec le modèle d'évolution. On peut prédire que les espèces dans le futur vont être adaptées à leur milieu, ils vont être adaptées par la sélection naturelle. Ça, c'est une prédiction forte qu'on peut vérifier, mais on ne peut pas prédire la forme exacte que ça va prendre. Alors, c'est frustrant et excitant en même temps, parce qu'on est sûr de toujours être surpris par ce qui va se passer dans le futur, parce que quelles espèces vont disparaître, quelles nouvelles espèces vont se former, on ne peut absolument pas prédire. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Puis donc, ça veut dire cette notion de contingence, et donc il n'y a pas de projet. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir l'évolution comme on la voit parfois, un arbre avec les espèces et puis l'homme en haut. Donc ça, ce modèle-là, c'est caduque. Non, ce qui est certain, c'est que l'homme n'est pas en haut. Parce que penser l'homme en haut, c'est un peu comme si on disait que la vie s'est améliorée, que l'évolution a permis à la vie de s'améliorer. Ouais. C'est pas vrai du tout. Les espèces d'aujourd'hui sont pas mieux adaptées que les espèces passées. Ils sont pas supérieures aux espèces passées. Ils sont pas plus évoluées. Dire qu'une espèce est plus évoluée ou moins évoluée qu'une autre, ça veut rien dire en termes biologiques. Donc la vie ne s'améliore pas. Donc, ça ne va pas vers la complexité. Des fois, on dit que c'est de plus en plus complexe, les formes... Oui. Au début, évidemment, la vie devait commencer sous forme simple. On ne s'attend pas à ce que la vie commence tout d'un coup, ou commence au début sous forme d'un éléphant ou d'un érable. Ça commence sous forme de bactéries, donc c'est sûr que ça devient plus complexe. Mais cette complexité-là n'est pas le fruit d'une force interne irrésistible de la vie. Ce qui s'est produit, c'est de la diversité. Donc, si on pense, par exemple, en termes de nombre d'espèces ou de biomasse vivante, au début, il y avait uniquement des bactéries. Aujourd'hui, il y a presque uniquement des bactéries. Presque toutes les espèces sont des formes de bactéries ou d'archées ou des formes unicellulaires microscopiques. Et il y a quelques espèces supplémentaires qui font partie de la diversité, comme les plantes et les animaux. Mais c'est une petite proportion de la vie. Donc, il n'y a pas une force irrésistible vers la complexité croissante. Il y a plus de complexité maintenant, mais c'était inévitable. Si on revient au début de la vie, avec des formes de vie très, très simples, il y avait trois scénarios possibles. Soit les formes de vie deviennent plus simples. Si elles deviennent plus simples, elles ne sont plus vivantes. C'est des cristaux ou quoi que ce soit. L'autre scénario, c'est qu'elles restent sur place, et c'est ce qui est arrivé pour la plupart des formes de vie. La plupart des formes de vie sont encore des bactéries, donc elles n'ont pas bougé, elles ont évolué, ce ne sont pas les mêmes espèces, mais c'est encore des formes unicellulaires microscopiques. Et l'autre option, c'est qu'il y a un petit peu de diversité qui se produit, ça devient plus complexe, ça c'est des plantes et des animaux. Et comme on est omnubilé ou impressionné par les plantes et les animaux qui ont à peu près notre dimension corporelle, on a l'impression qu'il y avait une tendance irrésistible vers la complexité, ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai du tout. D'autant plus que j'imagine que les bactéries sont aussi adaptées, aussi efficaces, aussi performantes dans leur milieu que les éléphants dans leur milieu. Aussi adaptées, aussi efficaces, aussi évoluées. Parce que si on regarde les bactéries d'aujourd'hui, ces bactéries ont des ancêtres, qui ont des ancêtres, qui ont des ancêtres, qui remontent jusqu'au début de la vie, comme vous et moi. Donc, toutes les espèces qui vivent présentement sont également évoluées en termes de durée de leur vie passée parmi leurs ancêtres, par leur héritage passé. Mais les bactéries d'aujourd'hui ne sont pas mieux adaptées, ne sont pas supérieures, ne sont pas meilleures que les bactéries du passé. Puis si on en revient à l'homme, donc ça veut dire qu'il n'y avait rien non plus qui disait qu'il y avait nécessairement un humain qui apparaîtrait avec son intelligence. Non, pas du tout. Puis si l'humain n'était pas apparu, il n'y a aucune raison de penser que qu'une autre espèce de primate ou qu'une espèce de dinosaure éventuellement aurait donné une espèce intelligente comme nous. L'émergence de l'intelligence n'est pas inévitable. Mm-hmm. N'est pas plus inévitable que l'émergence de quoi que ce soit d'autre. Elle est contingente. Elle aurait très bien pu ne pas arriver. Ouais. Donc, si l'humain n'avait pas émergé, l'émergence de l'intelligence, c'est pas du tout le fruit d'un projet ou d'un c'est programme ça. Ou d'une intention. Ouais. Mm-hmm. Puis donc, comme c'était, ce sont des, finalement, c'est une, bon, cette succession d'éléments de hasard là, combiné avec la sélection naturelle qui fait le développement, le déroulement de l'évolution de la vie. Mettons qu'on revienne aux conditions initiales au tout début, puis qu'on redéroule ce film. Est-ce qu'on va obtenir la même chose? Non, ça c'est certain. Avec les mêmes conditions? Le même point de départ, ouais. Les mêmes conditions. Le film va être complètement différent. Parce qu'il y aura des événements, les événements aléatoires ne seront pas les mêmes? Tout va être différent. Les événements aléatoires ne seront pas les mêmes, ne surviendront pas au même moment, ouais. Dans les mêmes conditions. Donc, toute l'histoire va être différente. Mm-hmm. Et c'est pour ça que cette image-là qu'on doit à Stephen Jay Gould, qui dit, si on rebobine l'histoire de la vie, le film de la vie, est-ce qu'on va avoir la même chose? C'est sûr qu'on n'aura pas la même chose. Mais si on rebobine l'histoire de la vie, non seulement on va rebobiner, mais on va effacer le film. Parce qu'au début de l'histoire de la vie, quand le film a commencé à se dérouler, puis il y avait seulement des bactéries, il y a 3,8 milliards d'années, mm-hmm. le reste du film était blanc. Le reste du film n'était pas composé. Ouais. Le début du film montrait des bactéries, puis 1 milliard d'années plus tard, il montrait encore des bactéries. Mais pendant ce temps-là, l'humain n'était pas déjà là, puis les mammifères n'étaient pas là, les poissons n'étaient pas là, les vertébrés n'étaient pas là, les érables n'étaient pas là non plus. Tout s'improvise à mesure. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas vraiment rebobiner. Et une des démonstrations du fait que si on pouvait rebobiner, tout le film serait différent, le film s'improvise à mesure, c'est qu'on n'observe jamais une espèce qui émerge deux fois. Mm-hmm. Ça paraît banal de dire ça, mais pourquoi une espèce n'émerge jamais deux fois? Parce que chaque histoire est unique. Parce qu'on ne peut pas avoir deux fois exactement la même série d'événements aléatoires. C'est impossible d'avoir les mêmes événements dans le même ordre, dans les mêmes conditions. Et pour revenir au sujet d'une chronique précédente, donc à plus forte raison, si une espèce ne peut jamais émerger deux fois ici sur Terre, bien sur une autre planète, c'est sûr que les formes de vie sont différentes. Ouais, parce que le film est différent. L'origine est différente, les conditions sont différentes, les événements aléatoires sont différents. Donc, c'est sûr que l'histoire est unique à chaque fois. Mm-hmm. Puis aussi, donc, au cours de l'évolution, il y a eu des extinctions. Ensuite, après ces extinctions, ces extinctions parfois étaient dues peut-être à des éléments aléatoires également. Après ça, il y a eu des explosions, une diversité. Là, on dirait que l'évolution s'en est donné à cœur joie. Voilà. Si on se replace maintenant, dans le contexte actuel, on parle d'une sixième extinction. Oui. Est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est un élément aléatoire dans le film de l'évolution? Oui, comme tout le reste. Et donc, on pourrait dire, si on se met du point de vue de l'ensemble de la biosphère, l'ensemble de toutes les espèces, on pourrait dire que l'émergence de l'humain est un très grave accident qui est arrivé à la biosphère. Parce que l'humain a un pouvoir considérable d'exterminer des espèces, de détériorer les environnements. Donc, c'est comme, du point de vue du reste de la vie, l'humain est une catastrophe à cause du pouvoir qu'on a de détruire. Mm-hmm. Donc, c'est une contingence du même ordre que l'astéroïde qui est tombé il y a 65 millions d'années et qui est en train de causer une extinction massive, probablement, sur l'ensemble de la planète, si on ne réagit pas très rapidement puis qu'on n'en prend pas conscience. Donc, pour le reste de la biosphère, l'humain est une mauvaise nouvelle. Donc, c'est la suite de ces éléments contingents là, puis qui va faire que la vie va évoluer ensuite différemment. Donc, il va y avoir des nouvelles pages qui vont s'écrire. Bon, il y aurait des nouvelles pages qui s'écriraient. Oui. Et là, on ne peut rien dire. Là, c'est à nouveau, c'est des pages blanches. Absolument. Absolument. C'est à écrire. Ben, écrire. Le film est toujours à composer. Ouais, le film s'improvise toujours à mesure. Donc, le film ne peut pas produire n'importe quoi dans n'importe quelle direction. Par exemple, des espèces de poissons aujourd'hui ont plus de chances de donner dans le futur d'autres espèces de poissons. Mais dans le passé, il y a des espèces de poissons qui ont donné des amphibiens, qui ont donné des reptiles, des oiseaux, des mammifères. Personne n'aurait pu prédire ça. Donc aujourd'hui, on ne peut rien prédire non plus. On peut prédire dans les grandes lignes. On peut prédire que les espèces seront adaptées par sélection naturelle. On peut prédire que si on ne fait pas disparaître tous les mammifères, qu'il y aura des mammifères encore plus tard. Mais dans le détail, on n'a aucune idée de ce que l'évolution va produire. Ça va être surprenant à chaque fois. Avec une explosion inattendue de formes de forme de vie. Oui, puis c'est sûr qu'après un événement d'extinction massive, on redéfinit pas les règles de fonctionnement. C'est toujours les mêmes règles de fonctionnement. Mais on change complètement le paysage. On change complètement les conditions. Donc là, il y a des espèces qui peuvent en profiter. Puis là, on voit une prolifération de nouvelles formes, de nouvelles espèces qui J'allais dire qu'il était comme en attente, mais pas vraiment, puisqu'il n'y a pas de programme. Donc, on n'est pas là en coulisses en attendant que les dinosaures disparaissent pour devenir des primates. Mm-hmm. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il aurait très bien pu ne jamais émerger de primates. Mm-hmm. Ben, on va souhaiter cependant pour nous que cela n'arrive pas. Merci beaucoup à Cyril donc, pour cette passionnante discussion qui nous remue les méninges. Donc, je rappelle que vous êtes professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval, que vous avez publié d'ailleurs des livres sur l'évolution, dont Le miroir du monde, Évolution voilà. par sélection naturelle et mystère de la nature humaine. C'était aux éditions Multimonde. Donc, pour inviter chacun à se replonger, à se remuer les ménages encore davantage oui, sur ces concepts. Puis dans ce livre, entre autres, il y a question de contingence. Oui, bon, donc voilà, parfait pour en connaître, pour en comprendre davantage sur ce phénomène. Voilà. Et quant à nous, sinon, on se retrouve le 26 mai oui. et on va parler du rapport entre la science et la religion. Oui, un autre sujet très oui, simple. Oui, eh bien, merci beaucoup et donc on se reparle donc, le 26 mai. Merci à vous, au revoir.